tous les dimanches de 23h à minuit, Digital Fury avec Denin et Réo sur RPL Radio, en radio numérique. Thank you. sur RTL Radio en DAB+ ou sur le site de la radio, le www.rtl.radio. dimanche, 23h minuit, Digital Fury avec Denis et Réo sur RPL Radio.

Don't corner me with that poetry fine. sitting on a rock at the edge of the world. The red earth and the ocean are below me, locked in the distance of erosion. Put a rock on me to stop me blowing away. Le meilleur de l'électro sur RTL Radio. Radio en DAB+ ou sur le site de la radio le www.rtl.radio. Jamais écouter la radio comme avant. RPL Radio est en DAB+, 24 heures sur 24.